Tentative d'assassinat de Vladimir Poutine. Moscou accuse Kiev d'avoir voulu supprimer le président russe avec des drones. Nous vous disons tout dans ce numéro. Ce numéro vous est présenté par Bella Air. La Russie a affirmé ce mercredi 3 mai avoir abattu deux drones ukrainiens qui tentaient d'attaquer le Kremlin, dénonçant ainsi une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine à quelques jours des célébrations militaires à Moscou. Dans la nuit de mardi à mercredi, des drones qui visaient le Kremlin ont été mis hors service grâce à l'utilisation de systèmes radars, selon la présidence russe. Nous voyons ces actions comme une tentative d'acte terroriste et un attentat contre la vie du président Vladimir Poutine, a ajouté le Kremlin en précisant que ce dernier n'avait pas été blessé. Une vidéo publiée par certains médias russes sur les réseaux sociaux montrait une panachée de fumée s'élevant au-dessus du Kremlin pendant la nuit. Il n'était possible de vérifier ces images de sources indépendantes dans l'immédiat. Selon la présidence russe, il n'y a eu aucune victime ni aucun dégât causé par la chute et la dispersion des fragments de ce drone sur le Kremlin. Alors si des drones se sont déjà écrasés dans la région de Moscou ces derniers mois, c'est la première fois qu'une incursion attribuée à l'Ukraine se produit dans le cœur de la capitale russe, située quelques 500 km avec la frontière ukrainienne. Après ces attaques, la mairie de Moscou a annoncé ce mercredi interdire les vols des drones au-dessus de la capitale russe, sauf sous autorisation du gouvernement. Selon Sergei Sobyanin, le maire de Moscou, l'interdiction vise à éviter les vols de drones non autorisés qui peuvent entraver le travail des forces de l'ordre. Bella Air est une clinique spécialisée dans la greffe de cheveux et de barbe pour hommes. Basée en Turquie, elle cumule aujourd'hui plus de 15 ans d'expérience et a à son compteur plus de 4000 opérations réussies. Si beaucoup d'hommes passés la trentaine ont des problèmes de chute de cheveux et de barbe, veuillez vous tourner vers Bella Air, car chez Bella Air, la satisfaction est garantie. Prêt. Afrique Média, le monde, c'est nous.